est augmenté lorsque les corps, les principes se divisent pour qu'ils retournent au plan invisible de l'astral. Alors, l'ego doit perdre complètement la mémoire des mondes de la mort. Et pour qu'il perde cette mémoire, il faut qu'il perde l'enveloppe qui est autour de lui et qui est ce que j'appelle le périsprit. De là l'importance de la perte de la mémoire naturellement et graduellement lorsque l'homme va vers la conscience cosmique. Autant l'ego n'aime pas perdre la mémoire parce que la perte de la mémoire l'insécurise au niveau de son périsprit, autant l'homme réalisera demain que la perte de la mémoire est la sécurité, et la clé même qui l'empêchera éventuellement, lorsque il sortira de son corps, d'aller dans une direction au lieu d'aller dans une autre. Parce qu'un homme qui a moindrement de mémoire et qui sort de son corps est automatiquement appelé et rattaché à l'astral. Mais lorsqu'un homme n'a plus de périsprit, qu'il sort de son corps, il n'y a plus d'astral parce qu'il ne peut plus reconnaître l'astral. Et lorsqu'il ne peut plus reconnaître l'astral, il en est libre. Et lorsqu'il en est libre, il entre automatiquement dans les mondes de l'intelligence. De là l'importance de la perte de la mémoire éventuelle. C'est normal que l'ego s'offusque lorsqu'il perd la mémoire. Et ça fait partie de sa conscientisation. Et c'est parce qu'il est trop pris par son périsprit. Un homme qui est dans l'intelligence universelle n'a pas besoin de mémoire. Pour comprendre plus profondément le mécanisme de l'évolution, il faut comprendre qu'un jour viendra, au cours de la sixième race, du prochain cycle, viendra un jour où chaque individu, individuellement, qui fait partie de cette nouvelle conscience, selon des lois qui lui sont propres, cet individu sera amené à sortir de son corps matériel. Non pas simplement pour le plaisir de la chose, mais parce qu'il aura une dimensionnalité double. C'est-à-dire qu'il aura le pouvoir de revenir à son corps matériel et travailler, et il aura le pouvoir de rester en dehors de son corps matériel pour travailler. Et sur le plan de l'évolution, sur le plan cosmique, sur le plan de la transformation de la conscience planétaire, c'est extrêmement important que l'homme en arrive un jour à pouvoir se dédoubler, à pouvoir sortir de son corps matériel avec aise et sans traumatisme, et pouvoir retourner à son corps matériel aussi, sans fatigue, parce que lorsque l'homme entre dans ses mondes et qu'il revient au monde de la matière, s'il a du périsprit, il ne peut plus vivre dans la matière. Et l'homme de demain devra être capable de retourner dans la matière et d'être suffisamment équilibré pour vivre bien dans la matière comme il vit bien dans l'autre plan, dans les mondes parallèles. Et ce qui lui permettra ceci, ce sera la destruction du périsprit, c'est-à-dire la perte totale de la mémoire. À cause des sens de l'homme, il a l'impression que la vie est ce qu'il connaît. La vie n'est pas ce que l'homme connaît. Ce que l'homme connaît n'est que l'antichambre de la vie. La vie est autre chose et ne peut se connaître que par le déplacement de l'homme en dehors des limites de la matière, et ça, c'est par son esprit. Mais qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme? Parce qu'il faut comprendre les mots qu'on utilise. Il faut tout comprendre les mots qu'on utilise. On ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre d'utiliser des mots et de ne pas les comprendre. Parce que si on utilise des mots et que nous ne les comprenons pas, nous faisons, sans le réaliser, de la philosophie et automatiquement, nous augmentons le pouvoir sur soi du périsprit. C'est pourquoi l'homme comprendra la nécessité de la destruction des formes. Parce que lorsque l'homme explique les mots dont il s'est servi pendant des siècles, pour l'éducation de son intelligence, pour le développement de son intelligence, ces mots ont servi aussi au développement de son périsprit. Et l'homme ne peut plus vivre de mots qui servent au développement et au maintien de son périsprit. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme, c'est simplement de la réflexion. L'esprit de l'homme, c'est simplement de la réflexion. Ce n'est rien d'autre que de la réflexion. Mais qu'est-ce qui donne à l'homme la densité de son esprit? C'est que la réflexion est imparfaite, elle est limitée et elle se situe entre l'ego, qui est le point focal de la conscience, et le périsprit. Si l'homme était en dehors de son périsprit, la réflexion serait plus vaste, elle serait plus parfaite, mais le mécanisme de la réflexion serait différent. C'est-à-dire que l'homme ne pourrait pas réfléchir sur lui-même, ce qui est le phénomène du périsprit, de sorte qu'il n'y aurait pas d'égocentrisme dans l'homme, il n'y aurait simplement qu'un point focal où cette énergie entre et ressort. L'ego serait translucide et l'homme n'aurait aucun sens personnel d'égocentricité. Il serait simplement centrique, c'est-à-dire il serait un point dans l'espace mental de son esprit et c'est ce point qui serait pour lui toute la valeur de ce qu'on appelle la vie, à la fois sur le plan matériel comme à la fois sur le plan des mondes de l'intelligence. Mais l'homme, à cause de son périsprit, n'est pas capable de vivre cet état d'esprit parce que son périsprit est tellement dense que l'homme a de besoin constamment d'être nourri par ce périsprit pour avoir la sûreté, la certitude que la matière est solide, que l'émotion, elle est là et que ses pensées lui servent de point de référence pour avoir une valeur quelconque, existentielle et philosophique, vis-à-vis lui-même. C'est pourquoi l'homme d'aujourd'hui, l'homme de la cinquième race, l'homme de l'évolution, n'est pas un homme complet. Il est un homme incomplet, et tant que l'homme ne sera pas complété, il y aura sur la terre de la mort. La conscience, c'est un phénomène de réflexion, un peu comme le phénomène du miroir. Et si l'homme réalisait jusqu'à quel point ses mots sont réels, il perdrait conscience. C'est-à-dire qu'il perdrait l'utilité instantanée de son périsprit. Et n'étant pas préparé, il perdrait conscience. C'est pour ça que l'homme n'a jamais compris qu'est-ce que c'est de la conscience. C'est pour ça que l'homme n'a jamais compris la mécanique de la conscience. L'homme a fait beaucoup de philosophie sur la conscience. Mais l'homme n'a jamais compris la mécanique de la conscience parce que la conscience, ça ne se comprend pas par le périsprit. Ça ne se comprend pas par le mécanisme de réflexion entre l'ego et le périsprit. Parce que la réflexion entre l'ego et le périsprit, c'est une réflexion qui sert aux forces que vous appelez, vous, sur le plan matériel, les forces du mal. C'est-à-dire les forces dont l'œuvre dans le cosmos est de densifier la matière et non de la retourner à la lumière. Alors, c'est normal que l'homme ne connaisse pas qu'est-ce que c'est de la conscience. Mais l'homme, un jour, devra comprendre qu'est-ce que c'est de la conscience, parce qu'un jour, l'homme, étant dans son esprit, comprendra toutes les lois de la vie, et comprenant toutes les lois de la vie, pourra créer des formes nouvelles d'évolution et de civilisation. De sorte qu'il n'y aura plus de secret pour l'homme, parce que l'homme n'aura plus à penser pour savoir. Il n'aura plus besoin de connaissances pour faire quelque chose, pour découvrir, pour inventer. Il sera instantanément lié à cette énergie de l'intelligence, parce que la réflexion entre lui et cette énergie sera parfaite, parce que le périsprit aura été délogé de la conscience humaine. Et probablement un des plus grands aspects de l'évolution, par contradistinction avec l'involution, c'est justement la destruction du périsprit l'élimination dans l'homme de la conscience astrale. L'élimination dans l'homme de tout ce qui crée en lui une réflexion qui est plus ou moins valorielle. Où il y a de la valeur dans la vie de l'homme, il y a du périsprit. Je vous donne des points de référence extrêmement vastes qui peuvent s'appointer particulièrement à toutes les instantanéités de vos expériences journalières. Où il y a de la valeur dans l'homme, c'est du périsprit. C'est pour ça que les hommes doivent être amenés très lentement à la conscience universelle, parce que, à cause de leur plan de vie, à cause de leur responsabilité sociale, à cause des conditions de leur plan de vie, ils sont obligés de mener à bien ce qu'ils ont déjà commencé. Mais ils ne seront pas toujours obligés de mener ce qu'ils ont commencé à un certain moment de leur vie, dans 10 ans, dans 15 ans, selon les conditions de l'évolution, selon le rapprochement entre l'énergie de l'intelligence et leur ego. Ils prendront non pas les décisions nécessaires, mais ils engendreront certains mouvements qui les prépareront à la réorganisation ou à la désorganisation de tout ce qui fait partie de leur périsprit, autrement dit, de tout ce qu'ils considèrent dans leur vie comme ayant une valeur quelconque. L'homme ne peut pas rentrer derrière les murs de la matière avec des valeurs accrochées à son esprit. Dans l'intelligence universelle, il n'y a pas de valeur, il n'y a simplement que création. Les valeurs viennent après la création et les valeurs viennent lorsque déjà la conscience d'une humanité ou d'une race a commencé à diminuer. Le phénomène de la valorisation de l'acte, sur le plan émotif ou sur le plan mental, est un phénomène d'autorégression. C'est un phénomène anti-scientifique sur le plan cosmique et c'est un phénomène qui est à la base de la création des cycles d'involution et d'évolution sur toutes les planètes. Le phénomène de la valeur va très loin. Et ce n'est pas facile à l'ego de s'en libérer. Regardez les objections qu'on nous donne si nous parlons en public et nous disons que l'homme doit vivre sans valeur. Regardez les objections émotives, les objections intellectuelles, philosophiques, mentales. Vivre sans valeur ne veut pas dire vivre en dehors de l'harmonie. Vivre sans valeur veut dire vivre en dehors du périsprit. Différence majeure et différence fondamentale dans la conception de la vie future de l'homme. Le chien vit sans valeur, mais il vit en harmonie avec les lois universelles. L'homme a des valeurs et il détruit l'harmonie des lois universelles, et le surhomme détruira les valeurs et créera de nouvelles lois universelles selon la nécessité de la nouvelle civilisation. Et lorsque ces valeurs deviendront trop grandes, trop profondes, trop fossilisées dans la conscience de l'homme, il y aura encore la fin d'un cycle, jusqu'à ce que l'homme devienne esprit et qu'il n'y ait plus de valeur dans aucune des civilisations futures de l'humanité. Le phénomène de la valorisation de la valeur est un phénomène de réflexion qui appartient au phénomène du périsprit. C'est une réflexion fausse qui puisse avoir un côté vrai ou un côté faux. Là où il y a de la valeur, il y a du vrai et du faux. Et c'est le grand piège de l'homme, c'est le grand piège de l'intelligence de l'homme, c'est le grand piège de l'ego, et un jour, ce piège sera totalement démonté afin que le pied de plomb de l'homme soit libéré. Parce que ce qui empêche l'homme de vivre la réflexion parfaite entre son ego et l'esprit universel, c'est le fait qu'il y a en lui des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a en lui du périsprit. Et on se sent bien avec nos valeurs. Et lorsqu'on se sent extrêmement bien avec nos valeurs, ou qu'on a extrêmement besoin de nos valeurs, on les édifie et elles deviennent des principes de vie. Et lorsque l'homme vit avec des principes, il n'a presque plus de chance de détruire en lui son périsprit. Il n'y a rien de plus destructible, de plus dangereux pour l'homme que le principe. Parce que le principe, c'est l'intelligence d'une valeur. Et lorsque l'homme met l'intelligence d'une valeur, il réfléchit tellement sur cette valeur que le processus d'énergisation entre le périsprit et son ego est sans fin. Et là où il y a une action qui ira contre le principe, il y aura automatiquement une réaction psychologique et émotive chez l'homme et automatiquement, il empêchera que se détruise en lui le périsprit. Ce qui a amené la destruction de la société victorienne en Angleterre, ça a été le trop-plein des principes. Ce qui a donné de l'élasticité à la nation américaine, c'est que c'est une nation qui n'a pas trop de principes. Ce qui détruit l'esprit d'une nation, comme en Russie, c'est le principe de l'idéologie. Le principe tue. La valeur fait partie de la maladie qui mène à la mort. Mais ces choses-là ne se comprennent pas par l'intellect. Ces choses-là ne se comprennent pas par l'émotion. Ces choses-là se comprennent lorsque l'ego est en réflexion vibratoire avec l'énergie de l'intelligence. Alors, c'est à l'ego de pouvoir accepter l'énergie de l'intelligence ou de la refuser. S'il la refuse, il demeure dans le périsprit. S'il l'accepte, il se transforme et rien ne peut empêcher sa transmutation vers l'immortalité. Alors, c'est à chaque homme, dans chaque nation, de comprendre la mécanique, de comprendre le processus et d'avancer vers l'intelligence. Aucun homme ne peut aider un homme sur la Terre. Aucun homme ne peut aider un homme sur la Terre. Et là où on vous dira qu'un homme peut aider un homme, vous deviendrez attaché à des valeurs qu'il vous donne. Et automatiquement, vous cesserez d'évoluer. Vous serez un disciple et lui sera un maître. Le phénomène d'évolution, c'est un phénomène d'énergisation, c'est un phénomène de réflexion, c'est un phénomène de pénétration de l'énergie cosmique dans l'homme à travers la couche dense du périsprit pour que le foyer, l'ego, devienne translucide, devienne intelligent, c'est-à-dire participe à cette énergie. Et lorsque l'ego participe à cette énergie, il n'est plus égocentrique, il est centrique et il n'est plus influençable parce qu'il n'a plus en lui de périsprit. Ce qui rend l'homme influençable, c'est son périsprit. Ce qui fait que l'homme est influencé par d'autres hommes, c'est son périsprit. Et le mal est planétaire et mondial. Le concept du périsprit, sa relation avec l'ego et le médium de l'énergie universelle, c'est un concept que j'appelle un concept catégorique, c'est-à-dire que c'est une catégorie, c'est une catégorisation de l'intelligence par le biais du mot pour faire à comprendre à l'homme l'abstrait, pour amener à l'homme ce qui est abstrait, c'est-à-dire ce qui est du domaine de l'esprit, ce qui est du domaine de l'énergie, parce que tout ce qui est du domaine de l'énergie est abstrait, mais tout ce qui est du domaine de l'énergie doit être rendu concret, et c'est la façon dont se sert l'intelligence ou l'énergie de l'intelligence pour rendre concret ce qui est réel. Et lorsqu'elle le fait, lorsqu'elle donne à l'homme des mots pour qu'il puisse regarder d'une façon plus précise sa relation avec l'invisible, sa relation avec son esprit, sa relation avec sa mémoire, sa relation avec l'intelligence, c'est pour lui permettre d'augmenter son pouvoir de réalisation. Parce que la réalisation, c'est la seule chose dont peut se nourrir l'homme de demain. Et la réalisation, c'est la perception par le mental supérieur, c'est-à-dire la perception de l'ego, de l'énergie, de l'intelligence. Et ce qui est intelligent dans le sens cosmique du terme ne se discute pas parce qu'il est imperméable à l'effet du périsprit dans l'homme. C'est le périsprit dans l'homme qui résiste à l'intelligence. Ce n'est pas l'ego de l'homme. Ça, c'est un autre point. Ce n'est pas l'ego de l'homme. C'est le périsprit de l'homme. Il y a des hommes dont les égos sont très avancés, mais qui ne peuvent pas passer d'un plan d'évolution à un autre parce que le périsprit est trop dense. Il y a des gens sur la Terre qui sont prêts. On sent qu'ils sont prêts. Mais on sait aussi qu'ils ne peuvent pas passer au travail. Pourtant, ils sont prêts. Ils ont une intelligence rapide, subtile, fine. Mais ils ne peuvent pas vivre la transmutation. Pourquoi? Parce que le périsprit est trop dense. Non pas parce que l'ego n'est pas prêt. J'ai rencontré dans ma vie des égos extraordinaires. Extraordinaires. Mais qui devront connaître la mort. C'est une perte. C'est une perte qui n'est pas irrémédiable, mais c'est une perte. Un homme préfère immortaliser sa chair que de mourir. Tout homme préfère immortaliser sa chair que de mourir. Mais tous les hommes ne pourront pas le faire. Alors, c'est une perte. C'est une perte de temps. Et c'est une perte pour l'évolution. C'est une perte pour l'humanité. Quand je dis que le phénomène de la conscience est un phénomène de réflexion entre l'ego et le périsprit, ou l'ego et l'intelligence, un des deux. Soit que l'homme soit dans l'intelligence, qu'il diminue le périsprit, ou qu'il demeure dans le périsprit parce qu'il a peur de l'intelligence. Et ce qui retardera l'homme, c'est que l'homme aura peur de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il aura peur de l'énergie de l'intelligence. Parce que l'intelligence, lorsqu'elle entre dans l'ego, elle crée des chocs tellement graves dans les enveloppes du périsprit que l'ego, lui, en subit les effets parce qu'il n'est pas suffisamment encore dans l'intelligence. C'est un cercle vicieux. Et j'insiste beaucoup quand je dis qu'il y a sur la Terre énormément d'égos qui sont prêts. Un des mécanismes importants pour l'homme, pour lui aider à découvrir s'il est dans l'intelligence ou s'il est dans la réflexion du périsprit, c'est sa capacité d'accepter et de vivre l'impossible. À l'intérieur du périsprit, il n'y a pas d'impossible. À l'extérieur du périsprit, il y a de l'impossible. Et c'est lorsque l'homme commence à vivre au niveau de l'impossible qu'il commence à détruire l'aspect mental et émotif du périsprit. Et il va de soi que toute réflexion entre l'homme et l'énergie universelle, à cause du mécanisme de réflexion entre l'ego et le périsprit, soit perçue par l'ego comme étant impossible. C'est pour ça que j'ai déjà dit dans une de mes conférences, l'homme, un jour, ne s'intéressera qu'à ce qui est impossible, parce que ce qui est impossible est ce qui est au-delà du périsprit. Et ce qui est impossible fait partie du pouvoir de l'intelligence sur la Terre. Alors, c'est normal que l'impossible soit naturel. Lorsque l'on comprend le pouvoir de l'intelligence. Mais si l'homme se bloque par son périsprit, automatiquement, il refusera l'impossible et automatiquement retardera son évolution. Et tous les hommes ont en eux une vision personnelle de l'impossible. Tous les hommes. Et ce qui est impossible à un homme convient à l'impossibilité d'un autre, Parce que toutes les impossibilités font partie du pouvoir futur de l'intelligence cosmique sur la Terre. Et l'impossibilité d'un homme réfléchit imperceptiblement son plan de vie futur à l'intérieur du cercle des initiés qui seront connus comme les immortels. Alors, un homme qui vit de l'impossible et qui rencontre un autre homme qui vit de l'impossible se parle de l'impossible, c'est-à-dire qu'il se parle de l'avenir. Parce que ce qui est dans l'avenir de l'humanité, ce qui est dans l'avenir de la race nouvelle de l'homme, sera conçu comme étant impossible de par la cinquième. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de lien entre l'une et l'autre, et que les liens raciaux seront brisés, rompus pour toujours. Lorsqu'une race nouvelle vient sur une planète ou sur un globe, elle est toujours supérieure en principe d'évolution à celle qui est venue auparavant. C'est normal. Elle n'est pas supérieure en valeur, elle est supérieure en intelligence. Les Atlantes étaient supérieures aux Lémuriens. Les races indo-européennes ont été supérieures aux Atlantes. Et la sixième race sera supérieure à la cinquième, de sorte que la science sera plus grande que celle qui a été connue dans le passé. Mais l'homme doit commencer à ouvrir un coffre, à s'ouvrir un compte de banque et mettre dans ce coffre tout ce qui est impossible. Parce que ce qui est impossible deviendra pour lui de plus en plus possible, et un jour l'homme sera dans cette nouvelle condition de vie. Et ce qu'il aura préconisé comme étant impossible pendant des années aura servi à détruire en lui le périsprit. Il y a un homme qui ne sait pas les lois de l'impossible, qui ne connaît pas les lois de l'impossible, qui ne peut pas se concevoir à l'intérieur d'un monde où l'impossibilité est la règle du jeu, ne peut pas comprendre les lois de l'immortalité et ne peut pas comprendre les lois qui défient la mort matérielle. Alors, quelles que soient vos dispositions personnelles vis-à-vis le matériel qui vous sera donné au cours des deux prochaines années, ce sera toujours votre affaire. Et non la mienne. Moi, je parle. Je diffuse. J'instruis. Je n'enseigne pas. Je ne suis aucunement intéressé à enseigner et je ne suis aucunement intéressé à la connaissance. La connaissance fait partie du périsprit. Mais autant moi-même, je dois absorber l'énergie de l'intelligence pour la canaliser pour l'homme, autant l'homme doit être capable de l'accepter sur une base de sa propre intelligence. Non pas de la croire, mais être capable de l'accepter, c'est-à-dire être capable de l'absorber, d'en absorber l'énergie pour qu'il puisse faire en lui une transmutation. Il n'y a pas de lien entre moi et l'homme. Parce que pour moi, l'homme représente le pouvoir du périsprit sur l'ego. Il n'y a de lien entre moi et l'homme nouveau. Mais je dois parler à tous les hommes. Alors, il ne s'agit pas pour l'homme qui semble ou qui a l'impression d'évoluer lentement, de s'imaginer qu'il ne peut pas passer d'un plan d'évolution à un autre. Mais il s'agit pour l'homme qui évolue lentement de réaliser, petit à petit, dans la lenteur de son évolution, les aspects de cette évolution. Comme je dis, il y a des égos qui ont peu de périsprit, ce qui leur permet d'évoluer plus vite. Il y en a d'autres qui en ont plus, ce qui leur permet d'évoluer plus lentement. Mais qu'une évolution soit lente ou rapide, ça n'a pas d'importance, parce que le temps est convenu. Mais là où l'ego s'empêche d'absorber l'énergie de l'intelligence, le choc vibratoire que ça crée dans son esprit astralisé, le choc vibratoire que ça crée dans sa conscience astralisée, dans son périsprit, c'est là que devient important le travail. Pourquoi est-ce qu'on peut le reconnaître, ce chapelet? Le combat, hein? Ce que vous n'aimez pas entendre. Tout ce que vous n'aimez pas entendre. Tout ce que vous n'aimez pas entendre. Tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous n'aimez, que vous n'aimez pas entendre vous fait réagir. Parce qu'il y a réflexion entre l'ego et le pire esprit. C'est normal. Et c'est dangereux. Voilà. Détruire des formes qui se sont installées dans l'homme depuis des siècles. Détruire des formes qui ont nourri le pire esprit, qui lui ont donné sa densité. Ce n'est pas plaisant pour l'homme. C'est normal. Mais l'évolution, ce n'est pas facile non plus. Mais c'est grand. Et c'est parfait. C'est parfait, l'évolution. Parce que l'intelligence, elle est parfaite. Non pas le périsprit. L'homme peut se croire extrêmement intelligent dans son périsprit. Mais il se découvrira extrêmement ignorant s'il entre dans l'intelligence. C'est normal. On prend un petit coke. Ok, pour continuer sur le pire esprit. Le pire esprit possède une énergie qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il possède une énergie qui est impropre. Une énergie qui est contaminée. Une énergie qui est suffisamment contaminée pour, si elle n'est pas enrayée quelque part dans le temps, pour amener éventuellement la destruction d'une civilisation. Le pire esprit, c'est un champ de force qui possède ses lois, qui possède sa propre mécanique. Et c'est la seule, c'est le seul champ de force dans l'univers. C'est le seul champ de force dans l'univers qui peut faire objection à l'évolution. Le périsprit, c'est le seul champ de force qui peut empêcher l'évolution. Non pas volontairement, mais à cause de la nature de sa mécanicité. Je vais vous donner un exemple. Le corps mental de l'homme, l'intelligence de l'homme, ce qu'on appelle l'intelligence humaine, a un taux vibratoire. Et ce taux vibratoire-là, son maximum est équivalent à la vibration que possède la planète Mars. Le corps émotionnel de l'homme, l'émotion de l'homme, possède aussi une vibration, et sa vibration maximale est équivalente à la vibration que possède la Lune. Et dans un système solaire, un être humain doit éventuellement avoir un taux vibratoire qui est supérieur aux planètes d'involution. La Lune, c'est une planète d'involution. C'est un globe d'involution. Et Mars, c'est un globe d'involution. Et pour qu'une civilisation continue dans un système solaire, il faut que la vibration du périsprit soit au moins au-dessus des planètes d'involution. Et si on considère l'homme aujourd'hui et que l'on réalise que le taux vibratoire de son mental inférieur et le taux vibratoire de son corps émotionnel équivaut au taux vibratoire de la Lune et de Mars, on s'aperçoit que l'homme a très très peu de possibilités par lui-même à l'intérieur des lois réflectives de son périsprit d'atteindre des niveaux supérieurs d'évolution. Et c'est pourquoi, sur la Terre, il a toujours été nécessaire que des initiés viennent. Parce que les initiés possèdent un taux vibratoire supérieur aux planètes d'évolution. Si l'homme était dans un autre système solaire, où les planètes d'évolution n'existent pas, ce serait très facile pour cet homme-là d'atteindre des très hauts niveaux d'évolution. Et c'est ça, c'est ce qui se produit avec ce que vous appelez, vous autres, des extraterrestres. Il y a des extraterrestres qui viennent de systèmes solaires où il n'y a pas de planète qui possède un taux vibratoire évolutif. De sorte que ces êtres-là, éventuellement, atteignent des niveaux d'évolution extrêmement avancés. Lorsque nous, sur la Terre, nous possédons des planètes qui ont un taux vibratoire évolutif qui correspond à la conscience interne du périsprit de l'homme. Alors, l'homme n'a pas beaucoup de choix. L'homme ne peut pas vivre sur le globe sans passer par des phases, des cycles de destruction et de reconstruction, comme il a connu au cours des civilisations anciennes. Et ce qui donne à l'homme la note cosmique, ce qui libère l'homme du taux vibratoire de ses planètes d'évolution, c'est son contact avec l'énergie de l'intelligence. C'est-à-dire avec cette énergie qui substitue à l'intérieur de son périsprit, à l'intérieur de l'enveloppe, qui change les conditions à l'intérieur de l'enveloppe et qui permettent à l'ego de commencer à vibrer à cette énergie-là. Et c'est le point que je veux commencer à développer. L'ego, quand il est évolutif, vibre dans son intellect par ce qu'on appelle le plaisir de la pensée. Il vibre dans l'émotion par ce qu'on appelle le plaisir pur et simple, ou la joie. Mais lorsque l'ego commence à être affecté vibratoirement par l'énergie de l'intelligence, il ne vibre plus dans l'intellect, il ne vibre plus dans l'émotion, et automatiquement, le périsprit perd sa résonance. Et c'est comme ça que l'ego peut commencer à devenir de plus en plus translucide, qu'il peut commencer à être de plus en plus intelligent, puis éventuellement, mais il est suffisamment intelligent que, à ce moment-là, le périsprit a plus d'effet sur lui, suffisamment grand pour retarder son évolution. Et c'est à ce moment-là que l'homme sent qu'il s'en va quelque part. Mais tant que l'homme ne sent pas qu'il s'en va quelque part, dans ce sens que, tant que l'homme ne sait pas qu'il s'en va quelque part, dans ce sens que, tant que l'homme ne sait pas qu'il est quelque part, qu'il est dans quelque chose, qu'il est dans un quelque part, qu'il ne peut pas se situer parce qu'il n'est pas encore libre dans son esprit, l'homme ne peut pas avoir la conscience de son intelligence. Il a simplement de la conscience. Et c'est très important pour l'homme d'avoir la conscience de son intelligence et non pas seulement de la conscience. Parce que de la conscience peut être assujetti à des lois de destruction, tandis que de la conscience de l'intelligence ne peut pas être assujetti à des lois de destruction. C'est-à-dire qu'un homme qui a seulement de la conscience peut être éventuellement affligé par son périsprit, par les conditions qu'imposera son périsprit à son ego, tandis qu'un homme qui est dans la conscience de son intelligence ne peut pas être affligé par le périsprit parce que le périsprit n'a plus de pouvoir sur lui, parce que déjà sa résonance commence à être au-delà de celle du périsprit. Et une fois que l'homme commence à avoir une résonance au-delà du périsprit, qui se traduit en termes humains, qui se traduit en termes d'expérience, comme étant cette faculté qu'il possède de savoir qu'il sait, à ce moment-là, il commence à être libre, et à ce moment-là, il commence à, sans s'en apercevoir au début, il commence petit à petit, lentement, légèrement, à réfléchir l'énergie qui vient de l'universel, et cette énergie-là le nourrit au niveau mental, émotionnel, vital et physique, et c'est cette énergie-là qui, un jour, aura suffisamment élevé le taux vibratoire de ses principes pour l'amener à sortir de son corps matériel, à se dédoubler. L'homme ne se dédoublera jamais par désir, il se dédoublera parce que les conditions du dédoublement auront été remplies. Et lorsque les conditions du dédoublement auront été remplies, l'homme aura accès à son esprit, c'est-à-dire qu'il aura accès à l'énergie empruntée à l'universel, focalisée dans son ego translucide. Autrement dit, l'homme sera dans l'intelligence de cette énergie et il sera aussi dans la volonté de cette énergie. Et étant dans l'intelligence de l'énergie, il comprendra l'univers, et étant dans la volonté de l'énergie, pourra faire ce qu'il voudra avec elle. Parce que son ego aura été translucide et son ego servira de lentille pour cette énergie, ce qui permettra d'amplifier sur les plans inférieurs des conditions de perfection qui existent dans les mondes de la lumière. Mais l'homme doit en arriver un jour à être suffisamment libéré de l'énergie, du champ de force. Je veux faire une différence entre ce que j'appelle l'énergie et la force. L'énergie, c'est un pouvoir. L'énergie, c'est puissance. Et un homme qui est dans l'énergie ne peut pas, au niveau de l'ego, empêcher que cette énergie-là fasse ce qu'elle veut faire dans sa vie. Un homme qui est plus ou moins en fusion avec cette énergie-là ne peut pas empêcher le dessein de l'énergie dans sa vie. De sorte que, lorsqu'il est suffisamment réceptif à cette énergie-là, qu'il est suffisamment dans le mécanisme de réflexion entre lui et elle, il est capable de détruire constamment la